Ah, l'équipe, vous avez écouté l'album Très Organisé? Combien de fois j'étais à terre, à plus savoir me relever. J'ai esquivé la perquise, mais mes potes sont fait soulever. Faut rien lâcher dans cette vie de chien. Pendant des heures, j'écoute les anciens. J'ai jamais fini d'en chier. Rester solide, il faut pas briller. Mais nous t'es cassé. On va prendre ce qu'on nous a pas passé. Depuis petit, c'est des montagnes qu'on veut déplacer. On s'est croisé, t'as rien compris, je voulais pas te blesser. Maintenant, tu parles aux gens, tu fais que me rabaisser. Combien j'ai fait de bœufs, je charbonne, je travaille. Le reste c'est le bon Dieu, le vélo trop tard. Je charbonne, je travaille. Le reste c'est le bon Dieu. Bah, là, là, là, là, là, là. Et merci bien le Moubs. Un maximum de bruit pour mon baraque, l'équipe. On le vélo droit à moi. Un max de bruit pour Moubs. T'as tout niqué, mon sens, c'est bien. Je me régale. Allez, level. L'équipe, vous êtes chaud ou quoi? Vous êtes chaud ou quoi? C'est beau.